Le glaive toujours cherche un but toujours manqué. La palme, cette flamme aux fleurs étincelantes faite d'azur, frémit devant des mains sanglantes et recule et s'enfuit, sensitive des cieux. La colère assouvie a le front soucieux. Quant à moi, tu le sais, ni calme où je respire, j'aurai là, sous mes pieds, mon ennemi, le pire. Caïn, juge, Judas, pontife, Satan, roi, que j'ouvrirai ma porte et dirai, sauve-toi. Non, l'élargissement des mornes cimetières n'est pas le but. Marchons, reculons les frontières de la vie. Ô mon siècle, allons toujours plus haut, grandissons.